Chapitre 3e. Edmond brisa le cachet et lut ce qui suit. Edmond, nous allions nous précipiter dans un abîme, mais la main de Dieu nous a retenus. Cette femme que tu as pressée contre ton sein, cette femme qui a encore l'empreinte de tes baisers sur ses lèvres, cette femme que tu voulais nommer du nom d'épouse, cette femme était poussée vers toi par l'enfer, cette femme est ta sœur. Le présent et l'avenir sont effroyables pour nous. Ce crime fatal, ce crime involontaire nous poursuivra jusqu'à notre dernier jour. Mes larmes sont des crimes. Les battements désordonnés de mon cœur sont des crimes. Mais non, tu n'es pas mon frère, tu ne peux pas l'être, puisque c'est de l'amour que je sens pour toi. Et en te repoussant, je t'appelle à moi et te donne encore toutes les caresses de mon âme. Mon Dieu, je suis donc maudite. Je vous l'avais dit, Edmond. C'est trop de bonheur pour ce monde. Il faut souffrir. Notre passage sur cette terre est l'attente du ciel. Mon ami, pensez à Dieu et supportez la vie. Soyez plus fort que la douleur. Edmond, purifiez votre âme par la prière. Un rayon de joie luira encore sur vous. Dieu éprouve ses élus. Résignez-vous. Vous n'êtes point coupable. Je vous le demande à genoux. Moi, Edmond, je suis forte. Je prie pour vous. La mort, c'est notre espérance, à nous qui n'avons plus rien à espérer de ce monde. La mort nous réunira, et tout est pur dans le ciel. Ne me crois pas, Edmond, je mens, je blasphème, je suis impie, je renie toi, mon Dieu, mon amour, ma vie. Viens à moi, viens, que ta voix se répande encore en écho dans mon cœur. Viens, que je savoure encore les délices de tes paroles. Je t'en conjure, dis-moi que tu m'aimes. Edmond, mon cœur bat. Et je ne te vois plus, mes lèvres te cherchent, et je ne te sens plus. Est-ce la mort? C'est pire, c'est le désespoir, c'est la séparation volontaire, mort hideuse. Luttons, luttons contre ce monde. Viens, mon cœur d'ange, viens à moi, ta fiancée, ton épouse. On me sépare de mon amant, l'enfer a crié. Malheureuse, il est ton frère. Adieu, Edmond, mon âme est épuisée. Je ne peux plus me plaindre. Je ne peux plus pleurer. Ne plus te voir, Edmond, mon Dieu. Lisez ce manuscrit qui m'a été laissé par ma mère, et vous connaîtrez les malheurs qui ont précédé ma naissance.